19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Le Salon Noir, le samedi soir, c'est une demi-heure d'archéologie. L'archéologie et ses sciences connexes. C'est aussi l'occasion de découvrir le terrain et ses chantiers de fouilles en France ou à l'étranger. L'actualité, surtout celle des destructions de Daesh ou du Yémen oublié. Celle de l'anthropologie biologique, de l'origine de l'homme, des avancées de la paléogénétique, Néandertal et Homo sapiens en tête. À ce propos, nous nous rendrons prochainement en Afrique du Sud, afin d'entrevoir les travaux entrepris dans le berceau de l'humanité. Mais ce soir, une très belle découverte. Sur la rive droite du Rhône, au centre de la ville antique d'Arles, mieux que la Villa des Mystères ou la Villa de Fannius Sinister, pour la première fois en France, Arles rivalise avec Pompéi. Je me suis donc rendu sur le terrain pour rencontrer Marie-Pierre Roth et Alain Genot, archéologues départementaux, Julien Boilève, toico-graphologue à l'INRAP. Notre chantier se situe en contrebas de cette verrerie du 18e. Donc cette verrerie du 18e s'est installée auparavant sur un terrain qui était agricole en fait. Et donc cette verrerie repose sur un remblai d'à peu près 1,50 m d'épaisseur. Et sous ce remblai se trouvent les vestiges donc archéologiques que nous sommes en train de fouiller. Et ces vestiges se répartissent sur l'ensemble de la rive droite du Rhône. Là, on est en train de fouiller qu'une petite partie de la ville, puisque la ville s'étendait sur une superficie considérable. Pour ceux qui connaissent Arles, entre le pont autoroutier où a été trouvé le fameux chaland Alronde 3 et justement le pont de la voie ferrée bien plus au nord. Donc on a une ville qui se répand sur une grande superficie et nous sommes en train de fouiller une toute petite portion de cette partie de la ville. Alors nous voilà sur le chantier, on y arrive, on va dire une petite surface, on n'est pas dans une grande fouille extensive aujourd'hui. En effet, oui, on a une superficie de fouille assez limitée puisqu'on est à peu près à 200 mètres carrés. Dans les années 80, des fouilles avaient été menées sur donc une grande surface pour fouiller de manière extensive le quartier de la fin du 2e siècle, donc avec plusieurs maisons imbriquées les unes dans les autres. Là, nous, on a ciblé sur une petite surface parce qu'on veut remonter le temps et donc on va plus en profondeur et donc forcément ça nécessite de se cibler sur une surface moindre. Qu'est-ce que l'on avait trouvé donc dans ces fouilles des années 80 ? Donc ces fouilles des années 80 nous avaient révélé un important quartier d'habitation qui était très luxueux puisque ces maisons romaines se caractérisaient par la présence de mosaïques somptueuses et dont deux d'entre elles font partie aussi aujourd'hui des collections du musée, à savoir la mosaïque dite du dieu Aïon et la mosaïque de Méduse. Donc c'est des mosaïques qui sont vraiment très très bien traitées et qui témoignent du luxe des résidents. Ces mosaïques prenaient place dans des maisons dont les murs étaient plaqués de marbre, qui comportaient des bassins d'agrément. Bref, on a affaire ici à l'élite des notables qui sont vraiment très très riches pour avoir les moyens de se faire construire des maisons avec un appareil décoratif si développé. Et puis tout brûle ? En effet, on sait que ce quartier de maisons romaines subit un important incendie donc en 260. Donc on connaît la date puisque on a retrouvé outre des morceaux de céramique, mais surtout une tirelire avec une vingtaine de monnaies qui permet bien de cibler la datation de cet incendie d'année 260. Et puis également, dernièrement, enfin en 2013, on a également procédé à une fouille qui nous a permis de nouveau dégager cette couche d'incendie avec également des monnaies caractéristiques de cette période-là. On sait que l'ensemble du quartier a subi cet incendie dans les années 260. Et suite à cet incendie, il n'y a pas, en tout cas sur ce secteur-là de la ville, pas de reconstruction. On assiste seulement à donc des personnes qui ont dû venir sur le terrain un peu squatter les lieux pour récupérer des matériaux. Donc on assiste plutôt au 4e, 5e siècle à une phase de pillage. Donc on récupère les murs, on récupère les plaquages de marbre qui étaient sur les murs, qui étaient également dans des bassins, également parfois sur les sols. Donc il y a une récupération systématique des matériaux qui a été constatée à ces périodes-là. Une chose reste énigmatique, on a également constaté la découverte de quelques tombes en réduction. On n'arrive pas à le comprendre puisque nous ne sommes pas dans une nécropole. Normalement, une sépulture, une tombe en réduction se trouve dans une zone de nécropole qui est assez développée, ce qui n'est pas le cas du tout ici. Donc ces deux tombes qui ont été trouvées en 2013 restent encore pour le moment énigmatiques. Alain Genot, ça se fouille comment, ce genre de site ? Ça se fouille précautionneusement, puisque on a déjà un millefeuille qui est en place. On a une maison du deuxième qui repose sur une maison du premier, qui elle-même repose sur une maison du premier avant. Donc ça implique de pouvoir fouiller très correctement les niveaux supérieurs pour pouvoir les démonter pour aller voir ce qui se passe en dessous. Donc une des gageurs de ce chantier, c'est qu'on sait par essence que lorsqu'on va essayer d'aborder la maison du premier siècle avant, on va être dans l'obligation de détruire les niveaux supérieurs. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le faire correctement, puisque ces éléments vont disparaître à tout jamais de la vue. Alors, on va prélever certains éléments, des sols sont prélevés par le laboratoire de conservation et restauration du musée, certains sont stockés, mais il n'empêche que sur site, ils ne seront plus présents. Donc, on a la chance d'être dans une fouille programmée, donc on n'a pas d'aménagement derrière, on n'a pas de tractopelle derrière nous pour tout détruire, c'est nous qui allons détruire, donc on prend le temps de le faire le plus correctement possible pour archiver la mémoire du site. On va se rediriger peut-être un peu par là, on aura un meilleur angle de vue. Là, une très belle mosaïque, j'ai cru d'abord à une sorte de labyrinthe. Bien sûr, il n'en est rien. En effet, il ne s'agit pas d'un labyrinthe, mais cela donne cette impression, puisque c'est un couloir qui possède un décor qui alterne des carrés et des rectangles, qui souligne ce grand couloir qui encadrait la pièce principale de la maison de la fin du IIe siècle, et à savoir le triclinium de l'Ayonne, et qui était encadré par ce grand couloir qui fait un L, et on l'aperçoit également de l'autre côté, où ce couloir s'élargit, puisqu'il s'agit de l'entrée principale de la pièce dite de l'Ayonne, et donc qui était probablement orienté sur l'accès principal de la maison, dont l'accès se faisait donc plus à l'ouest par une rue qu'on a pu observer en 2013 lors des sondages qui ont été effectués. Vous me parliez de triclinium, de quoi s'agit-il ? Dans les années 80, on avait trouvé une magnifique mosaïque, qui est la mosaïque du dieu Ayon, qui est au musée, et cette mosaïque du dieu Ayon, en fait, accueillait un triclinium qui est une salle à manger. Donc on a pu restituer la fonction de cette pièce à partir de la trame de la mosaïque qui dégage un motif en U, ce qui, à l'emplacement duquel prenaient place les banquettes sur lesquelles les convives s'alitaient pour déjeuner. Alors c'est une véritable ruche, on a une personne en train de faire des photos sur une échelle, deux personnes qui le tiennent bien sûr, juste à côté de ce long couloir avec cette belle mosaïque que vous me décriviez, on a trois personnes qui fouillent, visiblement un niveau supérieur, donc on a encore des chances de trouver des choses du IIe siècle. On grouille parce qu'on a une équipe constituée de trois archéologues permanents, donc les deux archéologues départementaux, Alain Genot et moi-même, et puis Julien Boilev qui dépend de l'INRAP. Et également, on travaille avec toute une équipe de bénévoles. Et donc ici, on a affaire à des étudiants et également des retraités qui nous prêtent main forte pour fouiller ces niveaux et compléter la documentation de notre maison de la fin du IIe siècle. Et là, donc, ils viennent de dégager toutes les traces des récupérations du IVe, Ve siècle. Donc on en voit les traces à travers de grandes tranchées, de grands fossés, et également à travers les tranchées de récupération des murs. Donc ils fouillent des remblais dans lesquels ils retrouvent des fragments, des éléments de la destruction de la maison de la fin du IIe siècle. Et dans ces éléments, eh bien, il y a le mortier de tuileaux, les enduits, énormément d'indices qui permettront de compléter notre connaissance de la para décorative de ces demeures. Ce qui vous intéressait, c'était bien sûr les époques les plus anciennes. Comment avez-vous su qu'il pouvait y avoir quelque chose de vraiment ancien du 1er siècle, des années 70, 20 avant notre ère, sous ces maisons plus tardives du 2e siècle ? Dans les années 80, nos confrères avaient déjà trouvé quelques morceaux de céramique qui témoignaient d'une occupation du premier avant, mais rien vraiment de très palpable. C'est seulement en 2013, avec Alain Genot, mon collègue, tous les deux nous sommes venus dans le cadre d'une fouille dite d'urgence, dont le but était de redégager le site en vue de le remblayer intégralement. On a profité de cette opération pour faire un sondage dans une tranchée d'épierrement, et à l'occasion de ce sondage, on a pu constater la stratigraphie, justement, et on a pu constater que cette maison, donc on avait une succession de maisons, les unes sur les autres, la maison de la fin du IIe siècle au mosaïque qui reposait sur cette maison du 1er siècle après au sol en béton qui reposait sur ce remblai et sur un sol sous-jacent d'une maison du 1er siècle avant. Et surtout, nous avons pu dégager deux murs maçonnés qui comportaient chacun sur leurs parois des parois peintes extrêmement bien conservé puisqu'on avait un petit peu entaillé la berme pour dégager les enduits peints en place. Et ces enduits peints, on a pu les observer sur un mètre de hauteur, 10 cm de profondeur. On n'avait aucun élément de datation puisque dans les remblais qu'on avait dégagés, il n'y avait aucun fragment de céramique qui avait été dégagé. Donc on a envoyé les photos de nos fragments de peinture en place qui étaient très bien conservés par les remblais. Donc on a pu les dégager sur 10 cm de profondeur, mais les pigments étaient parfaitement bien préservés. On en a fait les photos, on les a rapidement envoyées à Julien Boilève, qui, dans l'heure qui a suivi, nous a contacté et s'est enthousiasmé et l'a tout de suite identifié comme des peintures du deuxième style pompéien qui étaient très très bien calées chronologiquement dans la période des années 70-20 avant notre ère. Donc à partir de ce moment-là, on avait une certitude, on était dans une maison du 1er siècle avant Jésus-Christ. Julien Boilève, ce qu'il faut dire, c'est que ici, dans les années 70, on est déjà au cœur du territoire romain. Alors absolument, on est déjà dans une province qui a subi la conquête, hein, des 125 avant Jésus-Christ, donc dans une région qui est déjà bien romanisée, où les élites sont installées, les circuits politiques et commerciaux sont tout à fait en place, et donc c'est pour ça que dans cette région du sud de la France, on trouve des maisons qui comportent déjà ces décors de fameux deuxième style pompéien qu'on ne connaît que dans cette région pour l'instant, et c'est bien normal donc du fait de cette romanisation précoce. Alain Jauneau, Arles est déjà une colonie. Oui, Arles obtient un statut un peu particulier en 46 ou 45 avant Jésus-Christ, puisque comme elle a aidé Caius Iulius César dans sa lutte contre Pompeius Magnus, donc la guerre civile, Arles a soutenu César. Et dans ce cadre, comme César l'emporte, eh bien, la ville d'Arles va être récompensée. Et César va lui donner un statut particulier qui est celui de colonie de droit romain, qui est le statut ultime pour une cité romaine. Donc c'est une cité indépendante et tous les citoyens libres d'Arles vont devenir automatiquement citoyens de Rome. Donc il la place au pinacle des cités romaines de ce sud de la Gaule qui va devenir la Narbonnaise. Tout ça parce que Arles a concédé 12 bateaux à César contre Marseille, c'est bien ça ? Exactement. Arles, à travers ses chantiers navals, a fourni une aide extraordinaire à César, puisque dans la lutte contre Marseille, Marseille est une puissance maritime, et il faut bloquer sa flotte. Or César n'a pas assez de bateaux, et Arles, en un temps record, va lui fournir 12 navires, et va lui permettre du coup de remporter la victoire. Donc c'est une façon de récompenser la cité, et bien évidemment aussi de pourvoir au futur de ces légionnaires qu'il va démobiliser, et à qui il faut bien donner des terres et un statut social. Donc, dans la ville vont s'installer des colons romains. Et justement, c'est ce qui est très intéressant pour nous, c'est que la fouille que nous menons actuellement, la maison que nous avons dégagée, semble correspondre à l'installation de ces premiers colons. Il y avait des bateaux, bien sûr, à Arles. Il y avait même un pont fait en bateau. Arles est doté d'un monument un peu particulier, un pont de bateau, qui normalement est une structure ponctuelle qui est construite par le génie romain. Les auditeurs ont peut-être en mémoire les films de guerre de la Seconde Guerre mondiale où on voit le génie américain qui construit des bateaux pour traverser le Rhin. C'est la même chose. C'est le type de structure qui est toujours construite pour passer des obstacles un peu larges et des fleuves un peu larges. Mais ici, la particularité, c'est que c'est une structure pérenne. Et elle fait même partie de l'identité de la ville puisque on connaît à Ostie, le grand port de Rome, on a un comptoir des corporations, donc un grand comptoir commercial, et les sols de ces boutiques sont décorés des emblèmes des villes. Donc, par exemple, pour Alexandrie, vous avez un phare. Et bien, pour Arles, on a le pont de bateau. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on a en place ici et qui reste pendant très longtemps. Marie-Pierre Grottet, Arles a un statut, bien sûr, donc très particulier en tant que colonie. La ville a aussi un statut un peu particulier puisqu'il est, grosso modo, entre Méditerranée et Rhône pour le commerce. Oui, en effet, Arles est un emplacement stratégique puisqu'il est vraiment situé à ce qu'on appelle un point de rupture de charge, c'est-à-dire que les bateaux venant de la mer venaient décharger leurs marchandises pour les mettre sur des bateaux fluviaux. Donc il y avait un transbordement des marchandises à Arles. Et donc c'était un point de rupture de charge et un point commercial qui était très important. Donc il y avait cette voie fluviale, il y avait également les voies terrestres. Et donc c'est ce qui fait que Arles a eu un développement aussi important et que la ville s'est aussi bien développée. Et on est dans le quartier portuaire. Donc en effet, là, on est dans la rive droite du Rhône, quartier de Trinquetaille, qui est vraiment le quartier portuaire d'Arles. C'est sur cette rive-là, d'ailleurs, qu'a été mis au jour le fameux chaland Arles-Rhône 3, qui est aujourd'hui exposé dans les collections du musée départemental Arles Antique. Et puis, quantité d'amphores jetées dans le Rhône, des sortes de véritables dépotoirs. Tout le fond du Rhône est recouvert de milliers d'amphores. Les fouilles qui ont été faites ces dernières années, aussi bien par Luc Long que par Sabrina Marlier et David Jaoui, en témoignent, et l'extension du musée également. Et tout cela témoigne de l'importance du commerce qui se faisait donc avec aussi bien l'Afrique du Nord, avec également l'Orient, également donc on retrouve des éléments qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Grèce, et tout cela témoigne vraiment de l'importance du commerce. Et on retrouve au moment du transbordement des marchandises, il y avait probablement des caisses qui se sont effondrées, et c'est pour ça que le Rhône est aussi riche et préserve aussi bien les cargaisons qui ont pu être découvertes.

Alors, le deuxième style pompéien se caractérise d'abord par la forme du décor, mais également, c'est vrai, par une palette chromatique bien particulière, qui est typique de l'époque. Parmi les pigments utilisés, on fait notamment très souvent emploi du rouge vermillon, cette couleur très intense, un rouge vraiment vif, presque orangé, qui est un pigment bien particulier parce que c'est un des deux pigments de synthèse du monde romain, que c'est un pigment coûteux qui est obtenu à partir d'un minerai qu'on appelle le cinabre, c'est du sulfure de mercure, et qui est extrait en Espagne, dans des carrières du sud de l'Espagne, à Almaden. Ce pigment est marqueur de luxe parce qu'il est très cher. Alors, il n'est pas employé que au 1er siècle avant Jésus-Christ, il le sera encore après, mais il est particulièrement employé à cette époque. L'inconvénient, c'est que ce pigment craint la lumière. Vitruve en parle déjà, lui-même. Il mentionne le fait que certains disposent de cette peinture sans faire attention à la lumière et qu'elle se gâte. Et effectivement, c'est un effet que nous connaissons bien aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on avait sur les murs? On le voit encore là, derrière, une sorte de toile de jute. D'ailleurs, dans cette pièce, on a une forte odeur de produits chimiques. Voilà, alors ça, c'est lié effectivement aux opérations de dépose en cours qui se font à partir de colles qui vont permettre d'arracher la peinture du mur pour pouvoir la conserver. Il est impossible de garder ces peintures en place sans risquer de les voir se perdre définitivement. Le décor que nous avions ici est particulièrement intéressant puisqu'il est également attaché au deuxième style pompéien, mais cette fois avec une grande nouveauté, puisqu'on a ici de la figuration à grande échelle, ce qui pour le coup est totalement inconnu, totalement inédit en Gaule. Donc on retrouve un soubassement à imitation de marbre, assez similaire à celui qu'on a pu avoir dans la pièce précédente, mais ce soubassement va lui porter cette fois un grand fond vermillon, donc là une abondance de ce pigment coûteux, et sur son fond vermillon, on va avoir des divisions liées à des colonnes fictives, là encore, assez riches, traitées en imitation de marbre, jaune et violette, et entre ces colonnes, des piédestaux avec un effet de perspective, et chaque piédestal va porter un personnage, dont on a retrouvé une multitude de fragments dans les effondrements, dont ces fameux visages d'extrême qualité. Vous parlez carrément de mégalographie. Alors effectivement, on entend par mégalographie des décors qui utilisent des personnages à grande échelle. Alors le terme voudrait une représentation à échelle 1. De fait, on étend le terme de mégalographie à des représentations un petit peu moindres. Ici, en l'occurrence, on estime qu'on a une échelle à peu près 3 quarts. Et ça, c'est rarissime. Ça, c'est rarissime, tout à fait. C'est totalement inédit pour cette époque et pour ce deuxième style en Gaule. Et même à l'échelle de l'Italie, on a relativement peu de signes, puisqu'on est sur une demi-douzaine de sites recensés actuellement, dont les plus célèbres, Bosco Reale, la Villa des Mystères, Terzigno. Donc on est vraiment dans quelque chose de rare, de riche, de très riche même. Et on peut penser que le peintre venu donc à Arles ait fait même la Villa des Mystères de Pompéi? Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait la Villa des Mystères. Il faudrait pour ça trouver, et c'est très difficile, des mains d'atelier, des mains d'artisan. Le coup de patte. Le coup de patte, voilà, qui reste quand même difficile. On travaille sur un corpus qui n'est sans doute qu'une petite représentation de ce qui existait à l'époque. La difficulté aussi, c'est que c'est pas un peintre. Ce sont des ateliers avec un groupe d'artisans. Et à l'échelle même de cette pièce, sur les deux parois que nous avons, on retrouve des petites différences dans le traitement d'un même motif qui nous marquent la présence de plusieurs artisans qui travaillent en parallèle et qui vont chacun avoir une petite différence de traitement sur des motifs équivalents. Julien Boulet, vous êtes totalement intéressable sur ces fresques ou ces enduits peints. C'est probablement parce que vous êtes toïcographe, c'est bien ça? Alors, toïcographologue, effectivement. Un nom un petit peu barbare, peut-être, qui qualifie une des nombreuses spécialités de l'archéologie. C'est un terme qui est relativement récent, qui a été inventé par l'Académie française, à notre demande, pour qualifier justement cette spécialité des archéologues qui traitent les peintures romaines. Alors pourquoi demander à l'Académie un nouveau métier en archéologie? C'est vous qui l'avez demandé? Oui, c'est moi par l'intermédiaire de l'Association française pour la peinture murale antique, parce que c'est une discipline relativement jeune, l'étude des peintures romaines. En France, elle a été fondée par Alix Barbet en grande partie dans les années 70. Elle souffre encore d'un léger manque de reconnaissance, c'est un mobilier qui n'est pas systématiquement pris en compte sur les chantiers. Et de fait, l'affichage d'un nom contribue à la reconnaissance de cette spécialité. On a donc jugé nécessaire d'avoir un nom, et les mieux placés pour le faire sont le service dictionnaire de l'Académie française qui a en charge notamment les néologismes scientifiques. Alors vous avez l'air ravi de ça. C'est peut-être aussi parce que les archéologues sont quelquefois un peu dans la frustration. Et oui, c'est pas toujours facile de faire reconnaître tous les mobiliers. On sait qu'une grande partie de l'archéologie se fait en urgence, que le traitement des peintures, c'est un travail relativement lent. Il faut imaginer qu'ici, par exemple, nous avons vidé ce mètre 60 de Remblai à la petite cuillère, si vous me passez l'image, à la spatule, parce que ces fragments sont fragiles, parce qu'il faut comprendre comment ils sont effondrés, parce qu'on a besoin de les situer dans la pièce, et que dans des contextes d'archéologie plus préventive, plus urgente, c'est pas toujours évident de les traiter aussi rapidement. Avant d'aller voir donc ces personnages sur ces enduits peints au musée départemental d'art antique, Marie-Pierre Rotet, on est chez qui ici? Chez un Romain ou chez un Gaulois très très romanisé? Non, de toute évidence, on est vraiment chez un Romain. On est dans une période tellement précoce que là, la culture de Romaine vient s'implanter. Et donc, on a probablement affaire à un colon, à un notable romain qui est venu s'installer à Arles et avec toute la culture romaine qui va avec. Et donc, il faut imaginer que ce sont des Italiens, un atelier d'artisans italiens qui sont venus, du coup, avec lui, donc construire cette maison et surtout mettre en place ces parois peintes qui dénotent en effet de la richesse de ce résident. Julien Boileff, toutes les fresques, les enduits peints ont été déposés et sont désormais dans le laboratoire du musée départemental Art antique, c'est bien ça, où nous sommes, devant donc, vous avez posé de grandes planches avec une sorte de sable noir et vous recollez un à un les petits fragments. Voilà, donc là on est dans la phase dite de post-fouille, c'est-à-dire l'intervention d'étude de tous ces milliers de fragments que nous avons ramassés, qu'on commence à peine à étudier. Vous avez ici sous les yeux une petite partie seulement de l'ensemble qui a été ramassé. Et le travail consiste effectivement d'abord à laver ces fragments, donc un lavage minutieux à la brosse à dents pour les tranches et les revers, beaucoup plus délicat évidemment pour la surface. Et ensuite, bien tout simplement, alors c'est pas si simple que ça, mais on pourrait résumer ça à un grand puzzle dont on n'a pas le modèle, dont on n'a pas tous les fragments, qui, bien sûr, est destiné à reconstituer au maximum ces plaques, parce que plus les plaques seront complètes, meilleure sera évidemment la compréhension du décor, et c'est bien ça qui nous intéresse, comprendre le décor et restituer l'architecture. Alors, vous m'aviez parlé de colonnes, mais on a aussi des visages, des personnages, bien sûr, très grands. Est-ce que l'on est dans un registre, on va dire, de dieu, de panthéon, ou tout au contraire, des arlésiens? Alors, on gardera encore une certaine prudence du fait d'une étude qui est loin d'être achevée, mais effectivement, sur les personnages que nous avons pu reconstituer, on a déjà quelques indices qui orientent un petit peu l'interprétation de ces personnages. En l'occurrence, les indices vont être les accessoires, certains traits caractéristiques qui sont tenus par ces personnages et qui vont permettre une identification. Parmi eux, on va par exemple trouver les éléments d'un haut de visage où se dégagent deux cornes qui rappellent évidemment le dieu Pan, donc un des compagnons de Bacchus, qui nous emmène tout de suite vers le monde dionysiaque. Du coup, par répercussion, on va essayer d'identifier les autres personnages. On a par exemple l'épaule d'un deuxième personnage qui tient un pedum, donc c'est le bâton courbe des bergers, qui est traditionnellement tenu par les faunes ou les satyres, donc toujours le cortège bachique. Et puis, le plus complet à ce stade, c'est ce grand personnage féminin habillé d'une robe jaune, d'un haut violet, qui tient sur l'épaule une harpe, un instrument assez peu fréquent, qui est en train de jouer de la harpe, donc une musicienne, qui pourrait s'apparenter aux ménades, c'est-à-dire les femmes qui accompagnent dans la transe le cortège bachique. Mais traditionnellement, ces ménades sont plutôt en train de jouer d'un tympanon, une espèce de tambourin. Donc là, la harpe, pour l'instant, est un petit peu méconnue. Il faudra là encore pousser les recherches, les comparaisons avec tous les supports d'iconographie mythologique. Et en plus, elle louche. Alors elle peut sembler avoir un léger strabisme divergent, ce qui n'enlève rien à la qualité de la peinture quand même. On est sur un modelé qui est très très fin, qui est très bien travaillé. Il faut se rappeler que c'est une peinture à fresque, une peinture donc rapide. Son aspect actuel donne une légère divergence, mais il faudra bien regarder si c'est pas une petite écaille de peinture qui trahit la maîtrise du maître peintre. La semaine prochaine, nous marcherons dans les pas des mammouths, ceux de Montereau sous le Jard, qui viennent de sortir de terre, mais sont vieux de 90 000 ans. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Frédéric, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.